المنهج. Devoir numéro 1. Exercice phonétique numéro 3. 1. Muhendis. 2. Lubnan. 3. Mumarrida. 4. Mou'id. 5. Kerima. 6. Thoum. 7. Jami'a. 8. Qahwa. 9. ليمون. 10. عصير.